Allô? All of humanity should gather as one. Allô? Meanwhile, let's get... Il faut absolument qu'on arrive à les joindre cette fois-ci. Essaie encore. Et si tu utilisais cette fréquence? Ah oui, c'est mieux, je crois. Voilà, je pense que cela fonctionne. Nous revoilà en ligne. Je pensais vous avoir perdu pendant un instant. Diffuser un podcast en remontant le temps jusqu'en 2023, alors qu'on vit dans le futur avec 100 ans d'avance, ce n'est pas aussi facile que cela. Mais nous voici, porteurs d'un message qui est peut-être le plus important de tous. Donc nous l'avons gardé pour la fin. Voici Solution pour le climat 2123. Je vous parle depuis le futur, dans lequel je vis avec 100 ans d'avance sur vous, pour vous présenter les solutions de riposte au changement climatique qui commence tout juste à se dessiner à l'époque où vous vivez. Abonnez-vous à Solution pour le climat pour ne manquer aucun épisode. Le thème du jour est l'énergie. Comment tout faire fonctionner sans tout réduire à néant? Vous vivez en l'an 2023. Vous avez entendu parler des énergies renouvelables. Il s'agit de l'énergie qui vient du vent, du soleil ou d'une autre source et qui n'entraîne pas d'émissions de carbone, à l'inverse des combustibles fossiles. Alors, comment le secteur énergétique va-t-il évoluer dans les décennies qui vous attendent? Faut-il simplement exploiter le même type de technologie liée aux énergies renouvelables, mais à bien, bien plus grande échelle? En multipliant les parcs éoliens, disons. Ou bien y a-t-il des technologies entièrement nouvelles, en matière d'énergie renouvelable, qui se profilent à l'horizon? L'idée maîtresse, mentionnée précédemment, c'est qu'il faut électrifier l'économie. Il existe à votre époque des technologies qui permettent d'avancer dans ce domaine. On peut citer les véhicules électriques, le chauffage électrique, les pompes à chaleur et l'hydrogène. Il faudra que vous poussiez leur déploiement à l'extrême. Vous devez créer autant de capacités de production à base d'énergie renouvelable que possible. L'énergie solaire et l'éolien, terrestre et marin, constituent la majeure partie de ces ressources. Pour mettre un coup d'arrêt au changement climatique, vous allez devoir mettre en place toutes les solutions possibles. Sous peu, les panneaux solaires feront partie intégrante de tout bâtiment. Comme les populations s'insurgent contre l'éolien terrestre, elles n'apprécient pas la présence d'éoliennes géantes tout près de chez elles, vous devrez construire beaucoup de parcs éoliens marins. Ces derniers produisent davantage d'électricité et de façon plus constante. Tout ce que vous avez connu jusqu'à présent semblera dérisoire par rapport à cette évolution. Comme vous le voyez, les technologies existent déjà. La révolution consistera à les rendre plus efficaces et moins coûteuses. Regardez ce qui s'est passé en matière d'énergie solaire au cours de la dernière décennie. Entre 2010 et 2020, le coût des panneaux solaires a chuté de 93%. À l'avenir, des dispositifs photovoltaïques seront intégrés dans les structures des bâtiments, afin que les stores, par exemple, produisent de l'électricité lorsque le soleil les éclaire. Ce qui compte, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution des technologies, elles deviennent moins coûteuses et qu'elles se généralisent. En outre, de nouvelles technologies sont en cours d'élaboration, déjà à votre époque. Les éoliennes flottantes sont l'une des innovations les plus remarquables. La Banque européenne d'investissement a financé l'installation d'éoliennes flottantes au large des côtes portugaises. En quoi est-ce important? Les parcs éoliens marins sont généralement fixés au fond de la mer. Cette méthode est efficace en mer du Nord, au large des côtes de la Grande-Bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, parce que l'eau y est peu profonde. Mais l'installation d'éoliennes au large est limitée à des profondeurs de 60 mètres. Les éoliennes flottantes ne sont pas posées sur les fonds marins. Elles y sont ancrées. Elles peuvent donc être installées plus loin en mer. Elles peuvent être plus grosses, produire encore plus d'électricité. Elles peuvent également être assemblées dans un port, puis transportées au large, ce qui est techniquement plus simple. Cette technologie change donc la donne. L'efficacité énergétique joue un rôle important dans la façon dont l'énergie va être utilisée. Il s'agit d'un sujet tellement important que nous y avons consacré un épisode entier. Écoutez-le, c'est l'épisode 2 de Solutions pour le climat 2123. Je ne vais pas aborder le sujet ici, parce que nous avons beaucoup de choses à couvrir dans cet épisode. Alors vous pouvez, comment dire, économiser de l'énergie en écoutant séparément l'épisode sur l'efficacité énergétique. Passons à un autre sujet que nous avons évoqué à plusieurs reprises tout au long de cette série. L'hydrogène. Il a un rôle important à jouer dans les secteurs difficiles à décarboner, tels que le transport aérien. Nous avons abordé ce sujet la première fois que je vous ai parlé. En effet, nous savons que vous voulez tous sauver l'humanité, mais que vous souhaitez aussi continuer à faire le tour du monde pour passer d'agréables vacances. Le problème majeur de l'hydrogène, c'est son prix. Il est possible d'en fabriquer depuis longtemps, même un siècle avant 2023. Mais sa production coûte cher. À votre époque, cependant, des innovations se dessinent, qui la rendent moins coûteuse. L'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène produit avec de l'énergie d'origine renouvelable, présente l'avantage de pouvoir être transporté d'un endroit à l'autre et de pouvoir être stocké. Il représente un débouché pour des zones géographiques telles que l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud, qui disposent de vastes territoires jouissant d'excellentes conditions pour exploiter les énergies renouvelables et de suffisamment de ressources hydriques, en d'autres termes, des régions où il y a beaucoup de vent et de soleil. Ces pays produiront de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et l'utiliseront pour fabriquer de l'hydrogène. Ensuite, ils pourront l'expédier en Europe, où il y a moins de vent et beaucoup moins de soleil. L'hydrogène pourra alors être utilisé dans des filières telles que la chimie, l'industrie sidérurgique et l'aéronautique. La production d'hydrogène est l'une des solutions possibles pour les pays en développement pour la transition vers les énergies renouvelables. Mais il faudra encore beaucoup investir en Asie et en Afrique. Comment pouvez-vous, en Europe, contribuer à la transition énergétique dans les pays en développement? En montrant qu'un continent, en l'occurrence l'Europe, peut décarboner ses activités sans mettre en péril sa réussite économique. Dans les pays en développement, certaines innovations spécifiques joueront un rôle très important. Les mini-réseaux en font partie. L'électricité y est produite à petite échelle et distribuée localement, et non par un raccordement à un grand réseau national. On peut facilement imaginer comment les mini-réseaux peuvent aider les régions reculées d'Afrique. Ce qui nous amène à la question de savoir comment l'énergie renouvelable que vous produisez dans vos parcs éoliens flottants est distribuée. Comment elle parvient dans les réseaux énergétiques. Vous disposerez d'un grand nombre de batteries pour gérer la fourniture d'électricité au réseau national. Ce réseau sera alimenté grâce à de nouvelles technologies qui sont en cours de développement à votre époque. Les centrales nucléaires de petite taille et l'énergie de fusion, par exemple. C'est le contraire de l'énergie nucléaire que vous connaissez actuellement, car les atomes, plutôt que d'être divisés, seront fusionnés pour libérer de l'énergie. Même en Europe, des solutions numériques prendront le relais et faciliteront la gestion de millions d'installations de production décentralisées et d'appareils consommateurs d'énergie. Elles émergent déjà sous la forme de ce que les experts nomment une centrale électrique virtuelle. Il ne s'agit pas d'une centrale telle que vous en connaissez. Il s'agit du regroupement de nombreux petits utilisateurs et d'unités productrices d'électricité, optimisées par un système informatique. Basée sur le cloud, cette centrale passe d'une source d'électricité à une autre en fonction des conditions de production. Ce type de centrale est déjà en cours de réalisation à petite échelle à votre époque, en Allemagne. Ne soyez pas surpris si elle se propage à la vitesse d'Internet et des téléphones portables jadis. Certaines personnes ont baptisé cette évolution l'Internet de l'énergie. Nous avons beaucoup parlé d'innovation dans nos épisodes. Il est donc pertinent de terminer par cette mention de l'Internet de l'énergie. En fait, je suis revenue du futur pour vous parler de tout ceci et surtout afin que vous vous sentiez motivé et que vous engagiez toutes vos forces pour faire de la transition une réalité. Sur le plan politique, vous avez fait d'énormes progrès pour mettre en place des objectifs de réduction des émissions de carbone et pour les investissements dans les technologies vertes. Les choses changent. L'éolien marin a le vent en poupe. Vous allez y arriver. Tenez le cap. Partagez Solutions pour le climat avec vos amis, afin qu'ils comprennent quel type d'innovation les attendent. Et bien que nous ayons parlé en long et en large des technologies innovantes qui vont permettre toutes ces évolutions, je tiens à vous rappeler que les nouvelles technologies ne seront pas vos seules armes contre les changements climatiques. Il faudra également que les comportements changent, le vôtre aussi. Il faudra que vous vous penchiez sur vos propres émissions et que vous les réduisiez à l'aide des nouvelles technologies que nous avons présentées en détail dans cette série. Car vous êtes autant concernés par la lutte contre les changements climatiques que les scientifiques, les ingénieurs, les financiers et les responsables politiques impliqués dans les innovations dont je vous ai parlé. Souvenez-vous de cela, et vous y arriverez. L'humanité y arrivera. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et toutes les autres grandes plateformes spécialisées. Merci de partager cette série et merci d'avoir écouté Solutions pour le climat, diffusée par la Banque européenne d'investissement. Eh bien, ça s'est bien passé. Allons-nous maintenant remonter jusqu'en 1973 pour arrêter le choc pétrolier ? Comment ça, les podcasts n'existaient pas en 1973 ? Comment allons-nous les prévenir alors ? Bien, je pense que ces innovations en matière de climat sont d'autant plus importantes. Et que fait-on du crash boursier de 1929 ? Pas de podcast ? Dommage.